L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Donc, Chabi Isabelle, oui. Vous faites partie d'Église Verte. Alors, qu'est-ce que c'est Église Verte en deux mots ? Église Verte vient de la réunion œcuménique des chrétiens à l'issue de la COP21 pour convertir les chrétiens à l'écologie. Alors, toi Isabelle, tu es protestante. Oui. Et toi Chabi, tu es catholique. Donc, vous faites partie de ce qu'on peut appeler les églises chrétiennes, mais il y en a d'autres. Oui, il y en a beaucoup d'autres, effectivement. Je vais citer, bien sûr, les protestants, les chrétiens, les orthodoxes, qu'on retrouve ici sur la côte, puisqu'on est sur la côte basque. Après, d'autres églises... Les évangéliques, les baptistes, tout le monde. Et d'ailleurs, sur la côte basque, nous avons une église baptiste et évangélique qui sont avec nous dans le label Église Verte. Alors donc, Église Verte, c'est une démarche, c'est un label pour introduire plus d'écologie au sein des communautés chrétienne, c'est pas uniquement les églises. La démarche partait de ça, en deux mots, c'est l'écologie dans notre foi. Donc c'est ce lien-là qui est important, même si on est tous conscients, est-ce qu'on est tous actifs, mettre un label pour aller plus loin dans la démarche sur l'écologie, sur le monde de l'écologie, quoi. Voilà. Tout à fait. Enfin, là, moi, je vais parler du côté protestant, du coup. Dans la Genèse, il y est écrit qu'on doit prendre soin de la création. Et donc, le chrétien doit, de par ses actes, prendre soin de la terre. À partir de là, c'est dans sa vie de tous les jours, dans sa vie quotidienne, pas seulement quand il va à l'église ou au temple, de faire attention à ce qu'il fait. En exemple, mon pasteur m'a demandé d'écrire un conseil écologique vert à chaque feuille mensuelle pour que les paroissiens puissent l'appliquer. D'autres communautés le font également. Là, les scouts ont construit un hôtel à insectes pour pouvoir attirer les insectes parce que c'est l'extinction de masse la plus préoccupante à l'heure actuelle. Une autre communauté catholique du Pays Basque récupère toutes les feuilles qui servent pour les messes, les distributions, pour en faire à la fin des papiers mâchés pour faire du recyclage. Et voilà, donc c'est appliqué au quotidien, chez nous, en communauté et en église, et aussi au catéchisme, les principes de l'écologie. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a combien de communautés chrétiennes en France qui ont adhéré à ce label Église Verte ? Oui, il y en a 230 à peu près. C'est déjà énorme parce que le label a 3 ans d'existence, enfin depuis la COP21, donc c'est ça, oui, 3-4 ans. Et ça prend vite finalement. Et en me déplaçant pour porter la parole écologique au sein des églises, je me rends compte que beaucoup de personnes sont sensibilisées à ce geste et en plus, d'autres personnes qui avaient un peu fui l'église reviennent à elles par ce biais-là, en fait, en se disant « Ah ben, enfin, les chrétiens pensent à l'écologie », et voilà, ce qui me semble tout à fait normal, après tout. Alors, d'où ça vient ? Il me semble que c'est international comme idée, ça a passé l'Atlantique. Oui, effectivement, je sais que, en tout cas, le mouvement Eco Church, donc, qui est né au Royaume-Uni, qui est ensuite revenu sur Paris, donc effectivement, suite à la COP21, mais c'est un mouvement qui est partout, qui est international. Nous, localement, en fait, moi qui suis à la fois chrétien, mais membre d'une association écologique, le concept est très intéressant parce que finalement, je mettais les deux pas dans des domaines que je connaissais plus ou moins. Et effectivement, comme on disait Isabelle, des gens se l'ont accaparé facilement. Plus ça va, plus on est sollicité pour présenter. Alors, présenter dans diverses communautés, mais des paroisses également. Et effectivement, on parlait des écoles qui sont effectivement en collège ou autre. Moi, je suis passé par un collège chrétien qui s'empare du sujet parce que c'est important. Parce qu'on en parle, mais aussi que ça touche à tout ce qui est foi, catéchisme et autres. Et c'est vrai que c'est un lien qui peut être fait. C'est-à-dire que la foi, on peut la quitter. Quand on arrive au collège, on peut perdre un peu le fil parce que bon, il y a 36 000 informations qui viennent de l'extérieur. Mais via ce biais, effectivement, de l'écologie qui est lié avec tout ce qui est le domaine chrétien, donc la vie de Jésus ou autre qu'on peut découvrir dans la Bible et tout ça, il y a des liens et des similitudes qui sont faites. Et donc la démarche est intéressante parce qu'en plus on met en place des pratiques du quotidien. Ça va donc au ramassage effectivement des déchets, mais ça passe aussi pour planter un arbre, même mettre des jardinières et autres. Donc c'est faire un lien entre ces deux ponts qui on peut qui peut nous paraître vraiment distants, mais en fait qui sont vraiment cohérents, quoi. Voilà, donc nous on s'y retrouve, en tout cas moi je m'y retrouve par rapport à ça, quoi. Alors il y a eu quelque chose qui, pour les écologistes français et européens et même au niveau mondial, a été très très intéressant et vraiment très très bien accueilli. Ça a été en 2015, justement au moment de la COP21 qui avait eu lieu à Paris, le pape François qui a fait une encyclique, Laudato Si, où justement il parle de la création de Dieu. Ça veut dire finalement tous les êtres vivants sur la terre doivent être respectés. Finalement, c'est une sorte de déclaration, mais qui a un peu valeur de loi pour les catholiques. Oui, tout à fait. Beaucoup de personnes se sont appuyées sur ce document-là, quoi, en fait, sur cet écrit, pour justement se lancer dans cette démarche-là. Le pape a eu cette initiative qui, je pense, aura un grand retour positif pour tout le monde et tous, quoi. Voilà. Alors après, pour les protestants, bon, les protestants ne reconnaissent plus l'autorité du pape depuis bien, bien longtemps dans l'histoire de la chrétienté. Comment finalement il y a eu ce déclic? Certainement que dans les communautés protestantes et des autres églises chrétiennes, il y avait des écologistes, des gens qui se souciaient en tout cas du sort de la planète. Mais comment c'est venu pour vous, ici, dans ce temple à Bayonne, cet intérêt pour l'écologie? Alors, chez les protestants, ils remontent à très loin, puisque déjà dans la Bible, c'est indiqué, donc dans la Genèse, qu'il faut prendre soin de la planète, de la création. Après, il y a d'autres paraboles dans le Nouveau Testament où on parle également de la récolte, de la terre, du soin qu'il faut apporter à la terre. Et nous avons une culture, une coutume, c'est de faire ce qu'on appelle un culte des récoltes, où nous rendons grâce un dimanche dans le mois de septembre pour les fruits qui viennent de la terre. Et donc on met sur la table tous les fruits qui viennent de la terre, qu'ils soient cultivés ou juste ramassés et cuisinés aussi, pour après les donner aux personnes qui sont dans le besoin. Donc c'est déjà quelque chose qui est dans notre culture protestante depuis très longtemps. Mais le fait qu'il y ait cette prise de conscience au niveau national, et c'est vrai que la COP21 a été un véritable déclic pour plusieurs personnes, parce qu'il se tenait en France, ça a été un pas supplémentaire à franchir. Et donc vous essayez de mener des actions pour l'environnement, comme ici dans ce temple protestant qui s'appelle le temple protestant de Bayonne. Donc ici, vous faites donc des prêches, vous apportez une parole de sensibilisation et vous donnez des actions concrètes à faire aux personnes qui viennent dans votre temple écouter le pasteur. Mais c'est aussi donc un processus, la Belle Verte, c'est-à-dire vous partez d'un constat, d'un éco-diagnostic, et c'est toute une démarche d'amélioration, d'aller toujours plus loin. Est-ce que vous pouvez expliquer ce processus et comment finalement les communautés chrétiennes qui nous écoutent pourraient rejoindre ce mouvement, ce label et faire les premières étapes? Bon, Isabelle va me compléter. En fait, effectivement, il y a un diagnostic où on part d'une feuille blanche, quoi. Alors certains non, finalement, parce que déjà, on a tous plus ou moins des idées où on a commencé à faire des choses sans avoir conscience qu'on avait déjà une action par rapport à l'écologie. Et donc, c'est vrai que c'est important d'avoir cette base-là, parce qu'on peut parler à la fois de transmission par voie orale, donc lors de messe, lors de catéchisme à l'enfant ou aux adultes, mais ça va aussi sur les gestes du quotidien, peut-être installer des choses dans les établissements, donc les bâtiments, mais aussi à l'extérieur, des activités aussi plus ludiques, tournées vers l'écologie. J'en ai discuté encore récemment avec une personne dans un village pas trop loin d'ici qui cherchait effectivement des activités comme ça à faire. Donc il m'avait invité chez lui et je lui ai expliqué de faire intervenir des gens. Il y a plein de gens qui s'y connaissent, que ça peut être varié dans tout ce qui est agriculture, dans tout ce qui est animation pour les enfants. Et je pense que les choses sont là, il faut juste faire des connexions entre ce qui est réalisable auprès de ces enfants-là ou auprès d'adultes qui finalement y avaient songé mais ne savaient pas comment faire. Donc il y a des connexions à faire comme ça. Après, je sais que j'ai mes parents qui lisent des revues comme Le Secours catholique, ils ont découvert un discours par rapport à l'écologie, qu'il y avait une grande importance. Alors on en parle des migrants aujourd'hui, mais c'est lié aussi. Donc il y a plein de choses qui arrivent, plein d'informations, à nous de les canaliser, se dire, nous localement on peut faire ça. Nous localement on a cet impact là, on peut agir. D'ailleurs c'est en agissant tous les jours et localement qu'on peut faire changer les choses au niveau global. Voilà, c'est ainsi un discours qu'on a au niveau des associations écologiques, c'est local et ensuite global. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Bon, après, donc par rapport à ce document qu'on remplit, on franchit des étapes au fur et à mesure. Elle va peut-être me compléter, Isabelle. Voilà, donc on arrive à des paliers et après on grandit dans cet investissement-là. Donc effectivement, tout le monde peut s'y mettre. Qu'on fasse rien, qu'on démarre de zéro ou qu'on fasse de trois bricoles, ben on peut s'y filer quoi de suite quoi. On va pas vous taper sur les doigts quand vous arrivez parce que vous partez de vraiment pas grand chose en termes d'action environnementale. Au contraire, on vous encourage à venir. Absolument pas, d'autant plus qu'on en fait sans le savoir. Tout simplement, il suffit d'aller sur le site égliseverte.org où on trouve l'éco-diagnostic et on se rend compte qu'on fait de l'écologie sans le savoir au sein de la communauté ou même des personnes qui sont dans la communauté en tant qu'individu. On commence en étant une graine de sénevé, donc la plus toute petite graine qui est présente dans la Bible, et on acquiert ce statut dès le premier pas. En fait, dès qu'on s'inscrit dans la démarche du label Église Verte, on est graine de sénevé. Donc on part de la petite graine de moutarde pour finir en cèdre du Liban. Donc c'est vrai que bon, la graine de moutarde qui se termine en cèdre du Liban, c'est pas tout à fait logique, mais il y a quand même des étapes qui sont intermédiaires. Et en remplissant cet éco-diagnostic, on le fait de manière communautaire et on s'en sert également du point de vue individuel. C'est-à-dire que moi, l'année dernière, j'ai pris la décision de ne plus m'habiller en vêtements neufs, d'aller dans les friperies, dans les bourses de vêtements d'échange, ce genre de choses. Car là, j'ai pris conscience que mon t-shirt qui me coûte pas cher du tout neuf et pollue énormément. Je crois que c'est quelque chose comme 15 litres d'eau de mémoire. Plus même, donc voilà. Et je ne ruine pas à moi toute seule l'économie. J'ai eu ce retour quand j'avais dit ça. Et aussi, j'habite dans une résidence pour essayer de mettre en place un compost global. Les déchets verts, en fait, sont les plus gros déchets que nous produisons, finalement. Ne serait-ce qu'avec le marc de café, le thé, les pelures, les coquilles d'œufs, etc. Et quand on est en habitat citadin, et en particulier dans des immeubles, faire du compost, c'est un peu compliqué. Alors que si on regroupe tout ça ensemble, pour que chacun puisse récupérer quelques poignées pour mettre dans ses jardinières, etc., ça pourrait être un plus. En dehors de la communauté religieuse, je le fais dans ma communauté de tous les jours. Mais cette prise de conscience vient de là. Quand on regarde donc Église Verte, en fait, vous parlez de se convertir à l'écologie. Donc vous disiez, vous faites des prêches à l'église protestante pour parler d'écologie, d'environnement aux gens qui assistent au culte. Mais en fait, se convertir à l'écologie, il y a aussi une dimension spirituelle au-delà de juste parce que c'est écrit dans la Bible. Il y a aussi la spiritualité qui ressort de tout ça, des Écritures, la spiritualité de chacun appliquée dans ses actes de la vie de tous les jours. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi retrouvé du sens dans un monde où les gens sont un peu perdus ? Oui, en fait, voilà, c'est ça. Effectivement, le mot que j'ai utilisé, c'est un acte de foi, une action, quoi. Effectivement, on retrouve du sens parce que des fois, on perd pied. C'est vrai, on se lève le matin, on va bosser, on revient le soir et on nous met des vitrines partout remplies de vêtements où il faut acheter ci, il faut acheter ça, il faut être aux normes, il faut avoir le téléphone, l'iPhone. Je pense que ça fait du bien un peu de se remettre, pas en question, mais de souffler un peu, de prendre un peu de recul, se dire que on dépend de beaucoup de choses et on dépend de la terre d'où d'abord. Donc c'est bien d'avoir conscience de ça. De prendre conscience, c'est très bien. Et d'agir, c'est encore mieux. Alors je disais tout à l'heure, effectivement, si on est un peu à l'écart, seul, il ne faut pas avoir peur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, finalement, qui ont un intérêt là-dedans, mais on ne le sait pas. Et donc du coup, quand on s'engage, on est entouré, on s'entoure naturellement. Et en fait, on se rend compte que, donc spirituellement aussi, on est entouré de gens qui sont dans la même dynamique, dans une certaine fraîcheur que l'on retrouve en se disant « Mais voilà, moi, je vais me lancer dans le compost ou autre. » Et « Ah ouais, toi aussi. » Et donc, ça fait du bien. Et on va partager autre chose. Du social, on va se retrouver avec des gens. On va aller dans la spiritualité parce qu'on va partager à toi aussi. Machin, moi, je connais telle communauté, j'aime bien faire ceci, j'aime bien ça. Donc, ça va au-delà de planter un arbre ou une plante. Il y a tout qui est autour qui est important. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de bien, parce qu'à la fois on ne se sent pas seul, on se retrouve, on prend le temps, on souffle, c'est un grand bol d'air, et puis on véhicule des bonnes ondes, parce qu'on va au boulot le lendemain, on dit voilà, j'ai fait ça, et puis comme disait aussi Isabelle, c'est quand on se retrouve dans un bâtiment ou chez quelqu'un, on se dit ben moi j'ai fait ça, ça a marché, ah oui, moi je savais pas comment en faire, etc., etc. Donc c'est vraiment, c'est très bon quoi, c'est, on va dire c'est une démarche aérienne, et c'est un acte à la fois de foi, mais un acte écologique qui dépasse un acte social, un acte, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont avec quoi. Oui, tout à fait, d'autant plus que quand nous sommes en communauté, c'est aussi intergénérationnel. Et les personnes qui sont âgées ont ce qu'elles appellent les remèdes de grand-mère, que nous avons oubliés, par exemple pour faire la lessive, pour faire les savons, les cosmétiques, ce genre de choses, qu'elles peuvent enseigner aux plus jeunes. Et inversement, les plus jeunes qui sont plus... adeptes de la nouvelle technologie, parce qu'il ne faut pas tout non plus jeter dans la modernité, qui transmettent ce savoir à nouveau aux personnes plus âgées. Et du coup, ça fait un échange et on se retrouve réellement au terme de la communauté de vivre ensemble autour d'un projet qui est commun et après qu'on essaime. Oui, c'est le cas de le dire d'ailleurs, de l'essaimer, de le fleurir et de se retrouver aussi entre diverses religions où on n'avait pas l'habitude de se côtoyer, parce qu'on se dresse des murs nous-mêmes, finalement, et d'apprendre de l'autre. Comme le disait Chabi tout à l'heure, c'est un échange constant. Quand je rencontre nos amis catholiques, je leur parle de la foi protestante qu'ils ne connaissent pas plus que ça, et surtout au niveau des femmes qui peuvent être pasteurs, qui pour eux, c'est quelque chose qui n'est pas encore dans les mœurs. Mais voilà, il y a des échanges qui se font. Et l'écologie aussi, c'est peut-être la base de ce que nous sommes tous et prendre conscience que nous faisons tous partie d'un tout. Parce que l'écologie, ce n'est pas seulement ici au Pays Basque, mais c'est aussi dans le département, dans la région, au pays, mais surtout au niveau international. Et à Bayonne, nous avons eu une arrivée de migrants avec les routes qui se sont fermées en Italie, donc ils sont passés par l'Espagne, qui sont arrivés par ici à Saint-Sébastien, et nous les avons accueillis. Et ces migrants fuient certes les pays en guerre, mais fuient également ce qu'on appelle les réfugiés climatiques. En fait, c'est simplement que leur habitat n'existe plus. Il n'y a plus de terre, il n'y a plus d'endroit où ils peuvent vivre. Et ces prochains migrants climatiques vont être les prochaines personnes qui vont arriver chez nous. Alors, certains discours disent qu'il faut les renvoyer chez eux, mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de chez eux. Et c'est ça aussi qu'il faut prendre conscience, que nous avons une chance terrible d'habiter ici au Pays Basque, parce que c'est un pays absolument magnifique, merveilleux, etc. Mais il ne faut pas trop le dire pour pas que trop le monde vienne, quand même. Mais c'est que nous sommes vraiment chanceux. Et il faut savoir partager ceci. Et ça aussi, ça fait partie du message chrétien. Du partage, du don, du pardon et de l'accueil. Let's get together and from the Father of creation. We got one love. One love. Alors, on fait partie d'un tout et il est question pour vous, à Église Verte, d'écologie intégrale. En fait, l'écologie intégrale, c'est que ça ne prend pas en compte que l'être humain. Ça prend en compte tous les êtres vivants. Donc la planète, qui est un organisme vivant, des plantes, qui sont aussi des êtres vivants, des animaux, dont l'homme est un animal, après tout, et de l'océan, et tout ça. En fait, nous faisons partie d'un tout, et il suffit qu'il y ait quelque chose qui manque pour dérégler toute la chaîne. C'est l'espèce du battement d'aile d'un papillon, ou le colibri qui fait sa part, etc. En fait, il faut que chacun mette sa main à la pâte pour faire avancer les choses. L'écologie intégrale, c'est ça. C'est pas que nous, pays du Nord, qui avons profité de la croissance financière, économique, etc., mais c'est aussi nos voisins du Sud, qui, eux, souffrent de la perturbation écologique, les premiers pays à être dévastés par le bouleversement climatique se trouvent dans les pays d'Asie. Et ils voient leurs terres disparaître au sens propre du terme, vu que les îles sont recouvertes d'eau, il n'y a plus de poissons. Les déchets qui sont dans les océans ou dans les rivières en pays d'Asie, qui sont nos poubelles de déchets, de bâtiments nautiques, etc. Donc nous avons notre responsabilité, nous, pays du Nord. Donc c'est ça, en fait, l'écologie intégrale, c'est de prendre en considération l'humanité et la Terre dans sa globalité. D'accord. Et finalement, donc là, c'est un vrai message de fraternité. Tout à fait. Tout à fait. La fraternité envers tous les hommes et tous les êtres vivants de la planète. D'accord. Alors, se convertir à l'écologie, pour vous, c'est aussi garder un espoir pour conserver la création, donc la création de Dieu, d'après ce qui est écrit dans les textes chrétiens, donc au sein de votre réseau Église Verte. Mais il y a aussi l'idée de l'émergence d'une nouvelle création. Je pense, hein, quand on parle de nouvelle création, c'est se donner un nouvel élan, quoi. C'est vrai qu'il faut respecter la terre sur laquelle on vit, mais il faut aller plus loin. On a vécu une période de siècles et de siècles où l'homme a pu se développer, est née l'agriculture, mais plein de choses. Je veux dire, si on suit l'évolution de l'homme, la création, si on suit vraiment tout ce qui est dit dans la Bible, il y a eu des choses magnifiques. L'homme s'est développé grâce à la terre, grâce à la création. Je pense que si on veut garder déjà la chance que nous, on a encore aujourd'hui, il faut avoir prêché cette parole-là de l'écologie. Et je pense, en tant que chrétien, c'est à nous à le faire. Même avec des personnes qui sont athées, je pense que c'est... D'après moi, tout le monde va être conscient. Il faut avoir la foi par rapport à ça. Après, la nouvelle création, je pense, c'est ça. C'est effectivement créer une nouvelle communauté, une communauté unique, où ben, tout le monde s'y retrouve. Je pense que c'est ça. Effectivement, on est mélangé dans notre groupe La Belle Église Verte, qu'on soit protestant, chrétien, même musulman. Je pense qu'on doit tous s'y retrouver. On doit tous se donner la main pour aller dans cette démarche-là parce qu'on sait que c'est ensemble qu'on va avancer. Voilà. Il faut qu'on crée ce nouveau monde où on est tous d'accord sur le point. Mais effectivement, la chose la plus importante, c'est de pouvoir vivre sur notre terre qui nous est tous chère. Et voilà, donc c'est un peu le message qui, selon moi, est produit donc par ce label Église Verte et c'est ce que l'on veut pour les années à venir, quoi. Alors, tu parles des musulmans, et c'est vrai que là, la question se pose complètement. Le mouvement peut aussi s'élargir à d'autres religions en dehors des églises chrétiennes ? Le but est effectivement que d'autres religions s'en emparent. Des groupes existent. Après, je ne sais pas si des communautés encore sont dans cette démarche. Après, nous, on aimerait effectivement que d'autres communautés s'en accaparent. En tout cas, c'est sûr que des pays musulmans souffrent parce qu'ils ont des terres qui sont arides ou des terres qui sont invivables, quoi, suite à des catastrophes naturelles, hein, qu'on peut lire et qu'on voit chaque jour. Et je pense que ces communautés ont conscience. Après, bon, je pense que c'est en train de se former, mais nous, localement, ici, dans notre pays développé, à nous aussi de prêcher cette parole envers eux et de les rencontrer et de réfléchir à tout ça avec eux. Voilà, ça va dans la même dynamique. Donc, Et également aussi, on peut dire, les religions bouddhistes, hindouisme. Là aussi, il y a un lien assez énorme, en tout cas, il me semble, hein, avec la nature. Mmh. Est-ce que vous avez des liens avec eux? Est-ce que vous connaissez un petit peu, justement, ce lien qu'ils peuvent nouer entre spiritualité et écologie? Ces communautés-là ont un lien très particulier et très fort envers la nature. Et ne serait-ce que déjà les hindous avec la vache qui est sacrée, qui sont végétariens de par leur religion, eux ont une conscience très aiguë de l'écologie, de voir qu'ils sont un tout inclus dans la nature. Ça se retrouve également énormément dans le bouddhisme avec les donations qu'ils font au niveau de la nourriture qui est mise sur un autel pour Bouddha, etc. Mais pour en revenir aussi tout à l'heure avec la nouvelle création, c'est je pense que ça viendrait de là, d'aller vers un avant. Et surtout, je pense que les croyants en général, pas que les chrétiens, mais vraiment toutes les personnes qui croient, qui ont une foi, sont des personnes qui sont très optimistes, qui pensent qu'on peut tout faire. On peut tout faire. Nous, regardez, Moïse, il a bien séparé la mer en deux. Voilà. Donc c'est ça qui... On ne s'avoue pas vaincu. On continue à avancer, parce que les messages en disant « mais c'est trop tard », non, c'est pas trop tard. Ce sera trop tard quand il n'y aura plus rien. Mais pour l'instant, c'est pas trop tard. On peut encore faire des choses, et plus on sera nombreux à les faire, et bien moins ce sera trop tard. Donc, beaucoup d'espoir. Oui. Oui, oui. Mais c'est la confiance, c'est vivre avec, et donc c'est y croire, tout simplement. Oui, je reprends effectivement l'espoir, c'est dans chacun. Hein. Je pense que quand on est gamin, on est inconscient, on prend conscience des choses et c'est à nous après de renverser, de faire en sorte que le plus juste, bien sûr, hein, le plus juste et le plus proprement de faire avancer les choses et ensemble pour que ça aille dans la bonne direction. Effectivement, l'espoir est important et la confiance. Et plus on est confiant, plus on avance et mieux ça se passe généralement. Et baisser les bras, non, je pense qu'il faut... Non, je pense qu'il faut même seul, il faut se lancer. Puis après, dans ma vie, j'ai toujours rencontré, que j'aille à droite à gauche, des gens qui étaient dans la même optique que moi. Donc non, je pense qu'effectivement, il y a des bons ricochets. On retombe toujours là où il faut, et avec des bonnes personnes autour de nous, quoi, bien entourées. Quoi. Bon, bah merci beaucoup. Donc, Église Verte, on trouve les infos, on peut vous contacter et vous pouvez aider à créer des communautés. Et pour créer une communauté Église Verte, il suffit d'être deux. Tout à fait, il suffit d'être deux et ensuite il faut faire un peu le tour et puis des gens après se raccrochent aux idées et puis un groupe naît, etc., etc. Effectivement de tout âge, hein, donc ça peut être des adolescents comme des retraités qui ont peut-être des fois un peu plus de temps que d'autres, mais bon. Mais je pense effectivement que c'est, voilà, il suffit d'être deux, avoir une motivation profonde et puis après, comme boule de neige, eh bien, on arrive à tirer du monde, quoi. Merci à vous. Avec grand plaisir. Merci. C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur internet.